Charlie & Co. Charlie and Co. Charlie & Co. Bonjour à tous. Comme d'habitude sur Fadjet, Charlie & Co vous emmène en balade sonore dans les rues de Nancy et ses environs à la rencontre de ceux qui les animent. Et aujourd'hui, petit tour à Nancy au coiffeur Le Local. Et comme d'habitude, on démarre notre périple du 47 rue Charles III. Vous n'avez plus qu'à nous suivre, alors c'est parti! Et direction la rue Saint-Dizier. Après quelques pas, nous voici arrivés au 114 rue Saint-Dizier. Depuis l'extérieur, nous pouvons déjà admirer certaines œuvres. C'est ouvert, alors on entre! En septembre 2020, Franck, le coiffeur, a décidé de créer un concept store inédit en mettant à disposition une partie de son salon à l'association César pour permettre aux artistes d'exposer leurs œuvres. L'idée, elle est née d'un concept, d'une envie, d'avoir envie de créer quelque chose de différent, inspiré de plein de lieux que l'on peut trouver partout dans le monde et de cette nouvelle culture qui émerge à travers la nouvelle génération de gens qui ont besoin de mélanger, qui ont besoin de changer, qui n'ont pas envie obligatoirement de s'attacher à certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie, depuis très longtemps, d'avoir un lieu polymorphe, donc évolutif à l'infini, qui va mixer une partie boutique, une partie coffee shop, soft drink, une partie galerie d'art avec des événements et des rencontres, pour faire en sorte de retrouver un endroit où l'on peut être fédéré. Mais par contre, retrouver au sein de ce lieu un petit salon de coiffure dans un lieu de rencontre, de partage et de culture. On s'est créé suite à quelques boutiques éphémères que l'on avait fait sur Nancy. On en avait fait deux qui fonctionnaient bien et qui étaient assez plaisantes parce qu'on avait la possibilité de présenter des artistes et tout ça. C'était dans un lieu d'exposition, c'était à la Galerie 31. On s'était installé et puis après on avait loué un espace rue des Dômes et puis ça nous a plu et finalement avec Franck on en a discuté, on a échangé et lui il avait cette idée là de créer un espace concept store avec une ambiance salon de coiffure comme il l'expliquait et on est parti avec lui en se disant bah écoute nous on s'organise de la partie association donc pour fédérer des artisans d'art et des créateurs de manière à présenter le travail de chacun dans un lieu unique. Et puis on est parti comme ça, sur cette idée-là. Parce qu'on est trois fondateurs. Il y a Céline, donc, qui est présidente, qui est présente là. Il y a Polo, qui est absent, qui ne pouvait pas venir, qui lui est secrétaire, et puis moi-même, qui suis trésorier. Et donc la recherche de créateurs, effectivement, c'est une démarche que Céline va nous expliquer. Bonjour. Alors la démarche est double en fait. Il y a deux possibilités. Soit nous rencontrons nous-mêmes des artistes en allant à leur rencontre, donc soit parce qu'on nous en a parlé, soit parce qu'on les a rencontrés au cours de salon, ou alors ils peuvent postuler directement, donc en venant ici, en s'adressant donc à Franck qui transmet donc les coordonnées de l'association César, et puis ils nous envoient des photos représentatives de leur travail, et puis après nous de toute façon on les recontacte. Créateurs, on a des contrats avec eux de 3 mois. Et si ça leur plaît, ils peuvent reconduire. Dans le cas où ils veulent quitter, ils peuvent. L'objectif principal, je crois, c'est déjà de promouvoir l'art et l'artisanat d'art à Nancy, hein, qui provient du Grand Est. Et même, c'est étendu maintenant, puisqu'on a des artistes et artisans qui viennent de Troyes, de Besançon, de Strasbourg. Donc c'est vraiment de plus en plus étendu. Mais d'avoir un endroit pérenne, je crois que nous avons ouvert donc le 1er septembre et puis donc pendant une période très difficile. Et l'idée d'avoir un endroit pérenne pour accueillir des artistes et artisans d'art était pour nous essentielle. Ça démarrait de ce constat en fait. L'association, c'est vraiment une idée de partage, d'échange, de convivialité. Et d'échanges humains d'une part et puis aussi de travail de chacun puisque tous les artistes qui sont présents présente des œuvres différentes, avec des matériaux différents. Donc sont tous différents, et c'est ce qui fait, c'est ce qui enrichit. Une peintre, Lisa Berthelhomme, qui elle travaille la peinture à l'huile. Donc sur des très grands formats, ou c'est du plus petit format encadré que vous retrouvez sur des paysages un petit peu lunaires. Ensuite, Francis est sculpteur, il travaille deux types de bois principalement, donc le chêne, qui brûle au chalumeau à chaque fois, et le cèdre du Canada. Toutes ces pièces sont faites en une seule partie, en un seul tenant. Et il isole ensuite les deux parties extérieures et il les brûle au chalumeau. Madeleine M, qui elle est tapissière d'ameublement, ce qui était au départ ce qu'il y avait beaucoup, c'était des prie-dieu. Anne Chigny, qui elle travaille la terre, à terre blanche ou du grès. Dagmar, le travail de Dagmar, ce sont des colliers en papier, des bracelets en papier, des porte-clés en papier. Donc l'origine du papier, c'est tiré de documents, de livres, de romans. Donc chaque collier a un nom qui porte le nom du roman à laquelle elle a pris le papier. Lulu Zhang, qui elle est de Besançon, qui travaille la porcelaine émaillée, qui a différentes cordes à son arc puisqu'elle fait aussi de l'aquarelle. Et sa porcelaine, c'est un travail d'orfèvre, un travail très minutieux. C'est épuré mais original à la fois. Sylvia Martinez, donc, qui elle est de Thionville, qui est chapelière, donc modiste, sur des chapeaux de haute couture, soit avec des perles en tous les cas. C'est aussi un objet de décoration, hein, c'est pas forcément à porter, mais on l'imagine très bien sur une cheminée, sur un... Simplement le porter, ouais. Parce que là on a l'opportunité en plus de ça d'avoir Franck qui coiffe. Alors là, polo, le verrier, c'est principalement du fusing, donc ce sont de la fonte de pièces en verre, de couleurs, avec des incrustations de fils de cuivre à l'intérieur ou des petites décorations pour y former son personnage ou le motif qu'il veut créer. Donc il passe ça dans un four et il le monte à température et le verre va se fusionner et se coller, ce qui va créer ces éléments. Ensuite, Martine Elec, qui elle vient aussi de Besançon, qui elle travaille sur du support médium. Elle met une première couche de peinture. Ensuite, elle met une deuxième couche où elle fait des incrustations de feuilles d'or. Une troisième couche où elle met donc, du collage, où elle fait du collage avec des éléments de décoration d'intérieur, mais toujours très cocooning. Et ensuite, elle applique une laque qu'elle ponce une première fois, une deuxième couche, elle reponce, etc. jusqu'à temps que ce soit parfait. Voilà, donc c'est toujours très lumineux. C'est, chaque fois, on peut se retrouver chez soi. Voilà. En peinture, on a Maxime Frérot qui est de Troyes et qui fait des personnages principalement. On a toute une exposition sur lui. Donc ce sont des personnages, je dirais, cabossés, un peu des gens très riches en couleurs, très agréables à regarder et très décoratifs, quoi, très contemporains. Michel Kiefer, qui elle travaille la peinture acrylique, notamment sur cette collection qui sont comme support des cartes scolaires. Donc on retrouve des visages, des enfants, et je trouve que ça donne toute une dimension. On a une époque lointaine et contrario, des visages, voilà, c'est très coloré et très original. Dimitri Lambert, qui fait des luminaires, qui vient de Strasbourg. Donc c'est un artisan d'art, il travaille la calebasse, il les vide, il la sculpte, il la traite. Enfin, c'est un travail d'orfèvre. C'est vraiment un travail hyper minutieux. Et c'est lui qui travaille tout, le bois et la pièce, le luminaire. Muriel Baudin, donc, qui elle travaille le racou. Alors, donc le racou, c'est deux cuissons à 900 degrés et ensuite que vous mettez dans des caissons avec de la sûre. Et il se passe un choc thermique, et c'est pour ça que c'est une pièce craquelle. Voilà. Martine Cassard, sculptrice donc, qui nous vient des Vosges, de Saint-Rémy, et qui fait des très belles pièces. Ce sont principalement des femmes. Elle fait aussi des animaux, toutes sortes d'animaux. Mais ces pièces sont très allongées, très effilées. On les reconnaît, on voit sa touche tout de suite quand on voit une pièce de Martine Cassard. Ce sont des pièces en terre, donc cuites, et puis émaillées sur les parties extérieures. Alors moi, je suis sur du bijou fantasy cuir principalement. Et puis après, je travaille le bois, je travaille le métal par la gravure, pour les fermoirs par exemple. Ben voilà, j'ai une activité qui est assez complète. Pascal Vautrin, et donc ce sont des peintures acryliques. Alors il y a des pièces qui sont présentées sur des toiles montées avec un châssis. Et puis celle-ci, c'est une dernière création, c'est un support bambou avec une des toiles tirées, avec des élastiques pour donner un côté un peu plus, je dirais, décontracté, d'été, quoi. C'est ce que je vous avais dit en bas, tous les artistes qui sont présents en bas sont aussi présents en haut. Donc on retrouve Martine Frérot avec des plus petits formats. On retrouve Michel Kiefer avec sur une carte scolaire. On retrouve Francis avec des sculptures en chêne ou en cèdre du Canada. Les calebasses de Dimitri. Le verre de Paolo. Martine avec les lacs. Martine Cassa, donc les céramiques comme on a vu Brimbel en bas. Le raccou de Muriel, donc Pascal avec peinture aussi sur verre, et Lulu, donc la porcelaine émaillée. C'est du mobilier ancien. On a cherché à donner un cadre cosy. Et puis des choses qu'on aime bien, on aime bien retaper les meubles. Donc voilà, ça donne une ambiance à l'endroit. Puis c'est un support aussi pour les exposants. Puis il faut passer régulièrement, puisque quand une création est vendue, il y en a une autre qui arrive, et puis tous les mois, du coup, vous avez des nouveaux créateurs. La majorité des gens me disent qu'ils se sentent bien, apaisés, qu'ils apprécient l'ambiance et surtout que ça fait du bien parce que ça leur manquait. De surtout faire voir qu'en fin de compte, en mixant l'artisanat d'art, l'art, la galerie et un métier d'artisanat, qu'en fin de compte, ces choses-là, elles sont ouvertes à tout le monde. On n'a plus un carcan où vous hésitez à rentrer dans un lieu parce que la galerie, ça vous paraît inaccessible. Là, on peut le faire. Et en plus, vous avez la possibilité de rencontrer les artistes et les artisans d'art. Comme à travers les vernissages, vous pouvez rencontrer différents artistes. Ce bâtiment a une histoire. Il y a des appartements avec des escaliers prouvés au-dessus. Vous avez des poutres Eiffel en plein milieu. On est dans un quartier qui navigue entre le marché central et un quartier plus populaire. Et en fin de compte, c'est cette mixité et cette rencontre de tout le monde qui fait qu'on va mélanger toutes les cultures, on va mélanger les gens, on va essayer de faire sauter ces carcans pour donner la possibilité à tout le monde de partager un moment de vie, c'est un moment de souffle dans la ville. Avant de se quitter, je vous rappelle quelques informations. Dans un décor vintage et industriel magnifié par l'architecture, l'association César expose des œuvres d'artistes dans le salon de coiffure, le local situé 114 rue Saint-Dizier. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du salon www.lelocal.art. L'association est également présente sur Facebook, CZ'ARTS, et sur Instagram, César-54. Voilà, Charlie & Co, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient très vite pour de nouvelles aventures dans les rues de Nancy et ses environs. Et si vous aussi, vous voulez nous inviter à découvrir votre association, votre projet, votre initiative, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.fadjet.net ou sur nos réseaux sociaux. Enfin, si vous avez raté une partie de l'émission ou tout simplement une folle envie de la réécouter, retrouvez tous les podcasts sur le site de la radio fadjet.net. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à l'écoute de Fadjet, bien sûr. Ciao, bye bye!